La première épître de Paul aux Corinthiens. Peut-être est-ce utile, avant que nous abordions l'étude de ce livre, que vous vous donniez la peine de regarder une carte géographique de la région. La Grèce est divisée en deux. La partie sud, nommée le Péloponnèse, est presque détachée du continent par deux bras de mer. L'un, le golfe de Corinthe, s'ouvre sur la mer Ionienne. L'autre, le golfe d'Égine, s'ouvre sur la mer Égée. Un isthme, large de 2 kilomètres seulement, relie les deux parties du pays. À la fin du siècle passé, l'isthme fut percé d'un canal pour que les bateaux n'aient plus à faire le tour du Péloponnèse, une navigation d'environ 200 kilomètres, plus ou moins périlleuse suivant la saison. Évidemment qu'à l'époque apostolique, l'isthme de Corinthe n'était percé d'aucun canal. Mais les Corinthiens avaient résolu le problème à leur manière. On a retrouvé les vestiges du Delcos, route spécialement aménagée pour le transport des navires franchissant l'isthme. Tirés par des bêtes de somme et aussi par des esclaves, les bateaux glissaient littéralement sur un chemin de pierre, ce qui raccourcissait considérablement la liaison maritime Athènes-Rome. Or, la ville de Corinthe, située à proximité immédiate de l'isthme, tirait de grands profits de sa situation stratégique et de ce transport de navires en particulier. Ses habitants s'enrichirent et vécurent dans les plaisirs. Dans la Grèce antique, la prospérité de Corinthe était réputée, la vie y était hors de prix, au point qu'un adage prévenait les voyageurs « Ne va pas à Corinthe, qui veut ?» Après son séjour à Athènes, l'apôtre Paul se rendit à Corinthe. Sans doute son esprit fut-il attristé en voyant les Corinthiens vivre dans le luxe et l'idolâtrie. Mais Dieu avait son plan et il encouragea son serviteur en ces termes. « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Actes 18, 9 à 10. Il prêcha d'abord chaque samedi à la synagogue, puis il se tourna vers les païens, enseignant la parole de Dieu dans une maison contiguë à la synagogue. Vous pouvez lire ce récit dans le livre des Actes, au chapitre 18. L'église des Corinthiens fut donc privilégiée dans ses débuts. Et lorsque Paul les quitta, s'embarquant pour la Syrie, il était sans doute confiant à leur égard. Mais plus tard, alors qu'il était à Éphèse, il reçut à leur sujet des nouvelles alarmantes. Il s'empressa alors de leur écrire pour les rendre attentifs à leur danger. C'est cette lettre dont nous vous donnons maintenant un bref aperçu. D'emblée, l'apôtre démasque les rivalités qui divisent les Corinthiens. Chapitre 1, verset 12. « Chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Quelle était la cause de ces partis pris et des divisions qui en sont résultées? L'orgueil. Les chrétiens de Corinthe étaient sages à leurs propres yeux, mais la sagesse dont ils se prévalaient n'avait rien de commun avec la sagesse de Dieu, dont Paul parle au chapitre 2, verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Et plus loin, versets 4 et 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Puis, l'apôtre Paul précise aux Corinthiens qu'il leur faut l'Esprit de Dieu pour saisir les choses profondes de Dieu. Chapitre 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Les premiers chapitres de l'Épître exposent donc les conséquences de l'orgueil et de l'absence de vie chrétienne véritable. Chapitre 1 et 2. Du manque de croissance spirituelle. Chapitre 3. De l'esprit de jugement, chapitre 4, du désordre moral, chapitre 5 et 6. La débauche s'était introduite jusque dans les foyers chrétiens. ce qui pousse l'apôtre à présenter le niveau du mariage selon Dieu, chapitre 7. Les Corinthiens se permettaient aussi de participer aux sacrifices dédiés aux idoles, chapitre 8, tout en prenant la scène, chapitre 10 et 11. Aussi, l'apôtre Paul les exhorte-t-il à ne pas créer d'obstacles à l'évangile, à courir pour remporter le prix de la course, chapitre 9, en se laissant avertir par les tragiques expériences d'Israël au désert, chapitre 10. Mais ce n'est pas tout. Une partie des chrétiens de Corinthe, remplis d'illusions sur eux-mêmes, se croyaient très spirituels dans la pratique de certains charismes, du mot grec « charisma », don de grâce, qu'ils utilisaient pour leur propre gloire. Tout au début de son épître, l'apôtre avait déjà constaté « Il ne vous manque aucun don ». Mais ces charismes auraient dû s'exercer dans l'ordre, la discipline, la dépendance de l'esprit. Parce que des abus et des désordres s'étaient installés dans l'assemblée de Corinthe, Paul éprouve le besoin de traiter longuement du sujet. C'est ce qu'il fait dans les chapitres 12 à 14 de sa lettre. Les dons spirituels dont parle l'Écriture ont été accordés à tous les croyants. Ils sont distribués selon la volonté de l'Esprit, dans l'équilibre et l'harmonie, pour l'édification de tous. Nous lisons en 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Au début de l'Église primitive, Dieu avait multiplié les charismes, appuyant la prédication des apôtres par des miracles qui étaient à la fois, pour les Israélites, une preuve de la messianité de Christ et pour les païens, la marque d'approbation du Seigneur sur le message apostolique. Mais bien vite, des croyants abusèrent de ces dons spirituels, sans prévalure, tombant même dans des excentricités. Paul discerne le danger et réagit avec vigueur contre ces excès. La première épître aux Corinthiens apporte un enseignement équilibré sur ces problèmes délicats. Parce que la vie psychique des Corinthiens s'était développée au détriment de la vie spirituelle, Paul les engage à laisser de côté ce qui est secondaire pour se donner à l'essentiel. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 12, 31 à 13.1. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13.13. Parce que les Corinthiens abusaient du don des langues, l'apôtre écrit encore « Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. » 1 Corinthiens 14-19 « Aujourd'hui, l'on ferait bien de prêter plus d'attention à ces avertissements apostoliques. En raison de la pauvreté de leur vie spirituelle, beaucoup de croyants insatisfaits se sont lancés inconsidérément dans la recherche des charismes, attribuant à certains dons spirituels, comme celui des langues ou celui des guérisons, un rôle que l'Écriture ne leur prête jamais. Alors que le Nouveau Testament les envisage dans un contexte particulier et avec un but précis, on leur donne même aujourd'hui la valeur de critère de la spiritualité, ces dons étant considérés par certains comme la preuve de la plénitude du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Or, il est très dangereux de penser que le Saint-Esprit prouverait sa présence par des dons spectaculaires. Bien sûr que le Seigneur peut aujourd'hui accomplir des miracles, et il en accomplit certainement. Mais ces miracles sont subordonnés à sa seule volonté et ne sont jamais en contradiction avec les récits et avec les normes de l'Écriture. Malheureusement, l'on prête souvent de nos jours au Saint-Esprit la paternité de manifestations qui sont des séductions spirituelles où le psychisme a sa large part et que le diable exploite à son profit. L'apôtre Jean écrivit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Épître de Jean, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul précise les faits à ces mêmes Corinthiens dans sa deuxième épître. « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » 2 Corinthiens 11, 14 à 15. La première épître aux Corinthiens s'achève sur des instructions pratiques, chapitre 16, précédées d'un remarquable exposé de la doctrine de la résurrection, chapitre 15. L'apôtre montre d'abord aux croyants que leur foi doit s'appuyer sur l'Écriture seule, 1 Corinthiens 15, 3 à 4, puis il les conduit au point culminant de la révélation, à savoir l'espérance glorieuse de la résurrection à laquelle tous les croyants rachetés par le sang de Christ auront part. Il écrit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. 1 Corinthiens 15, 20 à 24. Aurez-vous part à cette résurrection des croyants? Un jour, le grand chef d'orchestre, Michael Costa, interrompit l'exécution publique d'une symphonie dans un concert pour poser la question: où est le piccolo? L'instrumentiste s'était arrêté de jouer, pensant que sa part était superflue au sein des 80 exécutants de l'orchestre. Mais le maestro s'était aperçu de son abstention. Seriez-vous du nombre de ceux qui professent une appartenance au christianisme sans être nés de nouveau et sans être rachetés par le sang de Christ? Vous êtes dans l'orchestre, mais votre instrument est muet parce que seul l'Esprit de Dieu qui régénère vous permet de participer à la symphonie céleste. Il est dans le ciel un divin maestro, Jésus-Christ, qui ne veut pas que votre instrument fasse défaut dans le concert des rachetés louant le Seigneur. Mettez-vous maintenant en règle avec Dieu, afin d'avoir part un jour à la résurrection des croyants et à l'éternité bienheureuse avec Christ. »